arrêté dans le cadre de l'enquête qui entretiendrait de bonnes relations avec l'ambassade américaine. Écoutez les explications du sénateur Danny Toussaint. Mais nous sommes que nous avons parlé de Philip McIntyre, que Anna Rana te dit que il est lié avec Daniel Whitman. Dans la déclaration que monsieur fait devant le juge d'instruction, monsieur dit que pendant la prison, l'ambassade américaine vient chercher, il y a la veille, les finis au menel tourné. Ça fait les juges de la mode, c'est pas gagné pour l'ajouter. Donc là, monsieur Fin dit que oui, le combat est pour l'ajouter. Monsieur dit que pendant la prison, l'ambassade américaine vient chercher, il y a menel l'ambassade et il y a menel tourné. Et puis le juge là dit, monsieur, signe, requis de signer, il le fait. Il va poser monsieur question pour moi de qui est-ce qui vient chercher lui. Ça y dit, pour qui ça? Rien du tout. Donc il est clair que pendant que le ministre de la Justice là, une sanction contre un juge, le père qui est allé en prison, qui a recueilli l'information dans les de trois personnes qui ont dit qu'il y a des déclarations qu'il a fait, mais personne ne peut dire qui est-ce qui a autorisé l'ambassade américaine à chercher Philip McIntyre, que Anna Rana dit son tueur à gage et qui est sous l'aile du crime, l'œuvre qui n'a pas fait là, et qui a de très bons rapports avec Daniel Whitman qui t'a dit que c'est l'autorité supérieure qui a autorisé. Donc même si a déclaré que pendant la prison, l'ambassade est venue chercher, il a mené l'ambassade là pour ça, il a mené le tourné, donc il a remis que vos explications qui baille sur ça. Écoutez, c'est justement ce juge d'instruction. L'homme dit qu'il était venu chercher le premier ministre. Le juge d'instruction a demandé qui est l'ambassade qui est venu chercher. Donc, c'est pour montrer que pas de enquête, c'est un complot. Donc, là, chaque temps que le juge d'attaque arrive pour le joindre, vrai monde qui a assassiné Jean-Dominique Land, il ferme un dossier. Le dossier de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique connaît. Il y a des grandes capacités de la bassine parce que vous songez, il y a un plus gros tissu de la pour SIDA qui est en ballant, mais qui est sur travail. Mais ça fait que c'est important pour nous dire en pile monde, vini pour venir garder. C'est dans ce sens que nous pouvons lancer tout la pêche là pour nous montrer que nous avons une importance. Que même Jean, il y a une importance avec la terre. On dit la mer à tout, il faut que nous soucions de lui. Il y a une valeur aussi tout que la terre, qui est en pile monde, surtout dans un pays qui est responsable de ne pas passer avec la mer, même avec la terre. Est-ce que son exposition une fois, par exemple, côté moun a capable acheter tout? Oui, côté moun a capable acheter tout ça y a besoin en deux fois là, tout produit. Ça qui est important, c'est des belles coquillages, des black coke, mais c'est des produits comme à préserver. Côté, vous faites chaîne avec eux, gourmettes, bags, zano, avec artisanal, avec un produit qui sont dans la mer. Mais c'est des belles coquillages, côté tout le monde a consommé, des moun qui t'a aimé goûter. Et yon roma qui t'a aimé goûter yon poisson koué waou yon pas style de poisson t'a aimé joignez soit en sauce soit boucané roma j'ai ou t'avle là et crabe moun t'a aimé manger ça acheter ça bon opportunité la prune pour l'acheter ça dans fois là pour capable manger. Mais est-ce que ben nous exposé dans fois là c'est on sait de bagay association pêcheur par exemple si n'a prend poisson roma lambi tout bazar c'est bagay nous pêcher ou bien c'est bagay nous acheter pour nous mettre dans l'exposition? Non, c'est des bagages que nous pêchons personnellement, qui est côté nous mettre dans l'exposition. Toutes ces collections qui au niveau association à nous faire, c'est eux-mêmes qui ont exposé dans le foie là. Mais c'est bagages qui sortent, bon, Lully seulement, bien tout l'autre côté dans le pays? Non, c'est bagages qui sortent, Lully, nous gagnons l'autre. Actuellement, nous avons plusieurs départements qui sont doués venir là, parce que surtout avec le concours de l'association nationale là, mais nous, faute. Des moyens nous pas perdre, nous avons gagné espoir, surtout au niveau vrai concerné les gens qui tapent pour nous backup pour lancer foi ça sur la pêche là, mais nous pas arrivé joindre parce que toute l'autre région t'a pas tant supporté nous pour capable transporter tout produit pour venir parce que nous dit association nationale là n'a pas backup, mais hélas parce que le ministère de l'agriculture qui t'a pour aider nous ouais ça très mal et ça fait mal pour nous dire si je dis on a fait un foi sur la pêche, c'est une nouvelle initiative en pays que j'aime faire dit d'abord en faveur mais c'est l'agriculture et service pêcherie. Mais nous, les gens, ils ne sont pas souciés de nous. Ils ne sont pas nous valer, ils ne sont pas nous back-up. Non, rien dans le domaine, ça, c'est ça que fait. Nous, toute organisation régionale, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas de moyens pour venir, nous n'avons pas de moyens pour aider, pour arriver ici. Mais est-ce que vous avez fait demande pour côté ministère de l'Agriculture? Normalement, nous faisons demande et près d'un mois d'avance que nous écrions, nous faisons demande. Mais l'année arrivée, hélas. Je me demande est-ce que c'est vrai que les gens ont pu acheter belle machine puis gaspiller, elle fait tout show business pour faire politique, mais les gens ont fait des bagages importants qui pour lancer la pêche là, mais ils ont pas fait, mais ils ont plutôt fait show business, mais ils ont pas fait des bagages importants vrai qui pour lancer la pêche là. L'autre jour, le ministère de l'Agriculture a dit que Haïti exportait plus de 5000 tonnes de poisson. Est-ce que ça veut dire que c'est à partir de nous-mêmes, association pêcheur? Ce résultat de travail, nous, basé pour vous dire ça. Bon, nous avons dit effectivement ce résultat de travail, nous, parce qu'avec effort, nous voulons faire connaître avec l'association nationale là. Côté des petits moyens, parce que nous disons, si dans le passé c'était bois fouillé, avec rame seulement, pêcheur, nous avons actuellement connaître, nous avons une modélisation, nous voulons gagner moteur. nous gagne motesse à cause avec notre petit matériel que des scènes qui plus modernisé libère environnement mais faut min n'a dit ça tout pour tout monde et nous pas tenu compte de ça nous exporter qui pas représenter un tiers dans ça nous importer il faut que je dis à nous dit l'important faut que nous tenir compte d'état nous qui côté nous parce que si nous pas côté nous y a mal nous pas capable sortir parce que nous importer à peu près 15 à 16 000 tonnes par an, mais même si nous 16 millions de nous, et nous importons 4 à 5 000, mais nous importons 14, 15 à 16 000. Ça veut dire que je dis, il faut que garder qui ce côté nous et nous en retard par rapport à ce que ça n'a pas importé. Il faut qu'il y ait des efforts d'investissement fait parce que nous dit, il faut que nous tenions compte des formations avec une matérialisation. Il faut qu'il y ait une formation immatérielle pour nous capables de river, faire la pêche là-bas et rendement pour nous capables de réduire le taux d'importation qu'on a fait dans le pays. La question de la pêche là, qui support est cubain au côté pour nous? Bon, nous avons effectivement vrai projet cubain dans l'année passée, il était très présent. Et il y a quelques petits contrôles qui ont fait sur eux. Mais pour le moment, nous disons peut-être des apports. Mais quand même, tout projet jusqu'à présent, et ça fait nous demander pour le projet à restructurer. Il y a un pile de problèmes par rapport avec contrôle cubain. Il n'y a pas de contrôle cubain dans le pays parce que nous disons ça dépend de l'État haïtien. C'est un rapport gouvernement avec gouvernement. Mais nous-mêmes, comme association nationale et comme pêcheur, et nous demander il faut que le projet soit structuré pour capable de nous plus rendement. Parce que si Cuba vient la carrière, nous vient nos services, il faut que nous ayons contrôle. Ce n'est pas pour décider de faire ça au vrai, en fonction de eux-mêmes, mais en fonction de ça, nous voulons pour aider nous, mais ce sont des gens qui veulent aider nous. C'est dans ce sens ça, nous-mêmes, nous avons toujours demandé, il faut que nous ayons des décisions prises pour le projet à plus contrôler, laisse ça pour Cuba soit capable plus efficace, pour capable de nous plus service dans le domaine technique qui est nous. Est-ce que ça veut dire que Cuba a conseillé des bateaux pêche que tu es prêté à Haïti ou bien que tu es bas à Haïti? Est-ce que ça veut dire que dans la gestion du bateau, nous-mêmes, nous ne sommes pas tellement impliqués là-dedans? Bon, c'est ça qui fait nous dire ça, parce que il y a des petits problèmes dans la gestion du bateau. Expliquez-nous bien. Bon, il y a des petits problèmes, là, des problèmes là. C'est des problèmes au niveau associationnel, nous-mêmes, nous préparer des réunions pour nous être capables de corriger les problèmes. Même quoi, c'est des problèmes avec instance dans le gouvernement et des gens actuellement qui viennent dans le domaine là, et qui ont un peu de volonté, c'est des petits problèmes qu'ils n'ont pas résolus. Qui n'est pas trop grave que pour nous être capable de freiner tout petit problème qui vient en coopération haïtienne-cubaine pour la pêche là en Haïti. Par exemple, les bateaux cubains ont pêché poisson. Poisson ça, qui est sur Bayo? Est-ce que c'est l'État ou Météo ou bien ou l'association poisson? Bon, sous contrat, c'est ça que tu dis que toute pêche capture fait, il y a une partie qui va une organisation locale, une partie qui va tourner dans le ministère, une partie qui va pour Cuba. Mais au fond, parce que pas une bonne structure, pas une bonne contrôle, bah, il n'a pas fait comme ça, vous comprenez? Il n'est pas arrivé à faire comme ça, vrai. Nous jouons des bateaux qui pêchent, nous n'avons pas de contrôle sur eux, vrai, mais nous toujours disons ça. Il faut que l'État prenne responsabilité. Nous-mêmes, nous demandé l'État, participation, pas nous tout, dans le contrôle, il faut que nous contrôlions tout ce qu'a fait dans la capture que chaque cubain va faire. Nous-mêmes, qui moyen nous gagnons pour nous pêcher? En dehors du bateau cubain, qui moyen moderne nous gagnons? Bon, jusqu'à présent, nous disons, nous toujours dans le même État où on est. État caïcan, côté pêche de majorité, c'est toujours Ticano avec un ramenant. C'est rare qu'une organisation, par exemple, nous gagnons Boïsia appel. Côté nous-mêmes, nous gardons qui est un plus avancé par rapport à l'organisation de pays, plus d'autres zones. Côté posséder des moteurs, vous possédez des chaloupes, vous possédez des moteurs qui sont capables plus ou moins de faire aller dans la mer plus rapide, capable de venir plus rapide parce que longtemps pêcher à saute là à 5h du matin, là pendant à 6h du soir. Et il n'y a pas même qu'il fait tout le travail pour faire après avoir cougné avec moteur, qui est moteur 40, 15, tout le moteur 8 que nous commençons à posséder cougné là, qui est pêcher capable de sortir là depuis 7h ou bien 8h. Mais 4h, il est retourné, mais il fait plus que travail qu'on fait dans le passé. Parce qu'on dit, importance nous, l'objectif nous, dans l'association nationale, c'est changer les conditions de la vie pêcheur. Nous dit, pour changer, il faut que les conditions améliorées, il faut que les conditions de la vie pêcheur puissent bien, il faut que les pêcheurs garantissent tout. Dans la question de l'air, il faut que vous ayez une assurance. Le produit ça, le pape n'a pas de monde qui prendre la ville prix pour aller vendre sur la porte ou à l'étranger pour ne pas capter l'argent. Nous croyons dans ce sens-là, nous avons travail. Pour nous, si l'État est capable d'investir dans la pêche là, pour nous gagner des bateaux qui sont capables de garantir le pêcher, si je dis un dispensé absolu pour 15 jours, un mois pêcher à café, un mois dehors, il n'y a pas inquiété, il n'y a pas de problème, il connaît, il n'y a pas de doute. Dernièrement, nous avons rencontré avec le président Aristide. Pêcheur, nous avons rencontré avec le président Aristide. Ou même nous avons rencontré là est-ce que c'est un support que le gouvernement a décidé de porter nous ou bien c'est une évaluation que tu as fait sur qui travail l'Association nationale pêcheur fait déjà? Bon, je chita sur tout travail l'Association nationale pêcheur et je t'ai accès tout sur je t'ai offert nous qui ont initiative que le président s'est gagné pour initier le mouvement coopératif là dans le secteur pêche là. Nous quoi c'est sous ça accès côté nous t'ai parlé en pile, nous t'ai bail opinion nous comment secteur pêche là lui-même lui qu'a développé avec coopérative là, mais nous te posons en pile question, mais nous y avons accès sur nous qui des formations à long terme et à court terme, même moyen terme qui prend le bail dans le domaine coopératif là pour nous essayer de faire des grandes transformations. L'ensemble association des coopératives puis situé au mouvement Sankago, ensemble mouvement coopératif et même en 2004 pour nous arriver à une initiative l'union des coopératives haïtiennes dans le secteur pêche là. Et au même stade, c'est depuis combien de temps ou c'est pêcheur? Bon, je suis capable de dire de nature, je pêcheur parce que depuis que je suis petit, papa qui était un pêcheur, c'est Abraham Saint-Cyr, que depuis que je me levé à l'âge de gens et Timoun Sayo, à bien là, qui habituellement, qui nous habitués, qui nous bien, mais depuis que je suis arrivé dans la classe, depuis que je suis arrivé dans l'âge de 10 ans, pratiquement, depuis vacances, chaque vacances, papa m'exigeait tout le monde pour aller dans la mer. Il faut qu'il achète nas, l'acheter bail tout le monde et coup vacances fini tout le monde à l'école. Mais depuis vacances tout le monde dans la mer, depuis tout petit âge de 10 ans que moi pour aller dans la mer jusqu'à ce que côté par rapport avec nous dans la mer et n'a continuer tout nous côté nous actuellement une bail nous te dit appel nous dit nous voulons faire tout le monde connaître. Les monde entend parler de un pêcheur monde étonné pour dire son pêcheur monde ça c'est pas monde qui gagne valeur. Nous dit non. Kounya nous voulons dire en là dans la pêche là nous gagne toute qualité monde. Nous gagne agronome, nous gagne ingénieur, nous gagne docteur. Nous gagnons avocats parce que c'est des pêcheurs, petits pêcheurs qui apprennent, qui viennent transformer aujourd'hui. Nous gagnons toute qualité de monde aujourd'hui, ça fait du secteur pêche là, et qui finit faire un petit job tourner, viennent faire des services dans le domaine de la pêche là, comme conseiller et comme monde qui a fait toute bagaille dans le domaine de la pêche. C'est ça que nous disons. Nous gagnons toute qualité de monde. Là, nous sommes des pêcheurs. Pêcheurs non, sont professionnels, la pêche là. Que des professionnels qui ont fait un bagage, qui connaissent, qui prennent formation pour ça, que ça fait son bagage, ils connaissent, mais ce n'est pas des gens comme ça. Ils ont toujours gardé comme des analphabètes plus mal que bêtes même qui ont dans ce secteur ça. L'époque, les papas, tes pêcheurs, ou même tes timons, avec Jounet Jodi, est-ce que vous sentez un changement qui fait, une transformation qui fait? Est-ce que vous avez plus meilleur pour pêcheurs? Non, on a dit pratiquement qu'il y a un grand changement qui fait. Parce que dans les passés, les papas étaient là, même j'en dis nous, c'est toujours petit canoë avec Ramnan, tout espoir nous sous contre Valia. Papa me 6h, 4h du matin, quand nous les nous, les arrivés, il faut que nous allions. 4h du matin, et qu'elle soit géniale, il faut que nous ne disions pas, nous ne pas aller. À 4h du matin, quand 6h, 8h du soir, nous pouvons rentrer. Nous sous de l'eau toujours. Mais on va créer les courants marins, l'autre de ça passer, et ils ne pas quitter les matériels, il faut que nous les veillons. Mais avec Kounia là, nous gagnons moteur, 8h. Pêche à la baie blague. Mais 3h, ou quand il y a des vins, et il fait plus que travail, papa m'a fait avec nous-mêmes. Mais la seule chose qu'on y a qui vient longtemps, que côté papa m'a éduqué avec un pêcheur, nous avons une conscience qui te prend. Parce que longtemps, depuis papa m'a pris un petit homard, il montait avec la lague où elle casse les gobelets. Il voit le petit poisson petit, il voit elle. Mais qu'on y a là, par rapport avec l'évolution dans la situation économique pêcheur, nous avons une situation plus grave dans le domaine environnement. Nous voyons ça, nous voyons c'est régresser, nous régresser, c'est back nous faire dans ce sens ça, dans le problème protection environnement, mais nous lier avec un problème économique, un problème pauvreté et péché, ils viennent plus mal les jours en jour, parce que par rapport avec plus de problèmes, l'école vient plus cher pour nous là, et ils péché pas parce qu'ils ont une école nationale eux-mêmes. Puis on est capable de voir les gens, c'est à cause de pêcher, les prendre au matin, tout petit, ils viennent à travers pour le vendre, pour être capable de faire comme. Mais dans les passés, nous voyons papa, qui n'a pas grand pile de formation, papa me débile de prendre lui-même, il a gagné. Est-ce que ça veut dire que face avec toute sorte de là aujourd'hui là, ou parce que gagne un espoir dans le secteur de la pêche là? Oui, nous dit gagne un espoir, c'est parce que nous une plus monde aujourd'hui qui prend conscience. Qui prend conscience dans ce sens ça, nous une plus jeune qui vient investir dans le domaine là pour venir bailler apport puis est capable arriver changer ça, mais c'est des vrais pêcheurs normalement qui viennent bailler apport. Et nous dit avec notre association nationale là aujourd'hui qui malgré toute situation difficile qu'elle a traversée, nous dit n'a continuer à avancer avec appel. Parce qu'on dit actuellement, je dis au niveau Lully, appel à l'école communautaire. Appel c'est l'association pêche Lully qui s'est mariée nationale là, qui appelle lui-même, il y a l'école communautaire. Il y a des alphabétisations à l'intérieur. Côté appel lui-même, il y a l'école formation pour la pêche. Il y a même formé Mounio. Nous croyons que c'est dans ce sens-là, nous disons espoir. Avec un pile l'autre côté dans le pays, il y a tout de l'organisation régionale qui travaille dans le pays, l'organisation nationale là, côté sensibiliser les gens pour voir si la situation est capable de changer, nous disons espoir. Là, nous sortons, nous prenons la mer pour pêcher. Est-ce que nous avons des météos? Est-ce que c'est vrai que nous avons été comme ça, nous décidons de prendre la mer? Nous avons besoin qu'il y ait un bon temps, qu'il y ait un mauvais temps. Bon, nous disons qu'il y a tout pêcher, parce qu'avec formation, nous avons des pêcheurs même qui partent voyager avec un petit appareil et radio même en dedans. Quand nous mettons dans un sachet, surtout pour être capable d'attendre les météos, pratiquement, l'aide sur le bonnet, mais nous conseillons tout, depuis la soirée d'attendre les météos. Et si vous sortez le bonnet, avant de sortir, par chaque petit appareil, pour attendre les météos, puis vous connaissez est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Nous croyons qu'il y a plus ou moins, mais dans les passés, pêcheurs, c'est ça qui est pile pêcheur, c'est qu'on chargé, c'est qu'on mourit, parce qu'il n'y a pas de compte des météos, c'est l'arrivée sous la mer, il prend avant même pêcheur au début, il dit, ah, nous ne pas sortir, non, il dit, je dis, attends, papa. Nous avons combien de cas qu'on s'est arrivé? En pile, parce que nous avons un pile pêcheur, qui des jours, même 4, 5, 6 canopes. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de retourner. Là, nous partons à chercher, il y a un plongé, il y a un monde qui mourit là-dedans. Mais tout comme fait 3-4 jours, nous arrivons à retrouver quand même. Ça, il n'y a pas mourir, mais nous venons vivre quand même. Pour dernier mot, qui serait capable de dire aux auditeurs Radio Haïti au Captain Do? Bon, je ne suis pas capable de dire aux auditeurs Radio Haïti. Et surtout, avant ça, je lance un message. Avec responsable dans l'État, on a dit que dans un pays qui côté en pile monde dit que la pêche développée c'est pas miracle qui fait pas Cuba, c'est pas miracle qui fait Canada, parce que nous même dans la pêche là, nous pas croire dans miracle, nous croire dans monde qui travaille, ça fait nous pas détermination pour travailler. Mais il faut que responsable en l'état faut prendre responsabilité autour, parce que si tu je dis à une fois fait sur la pêche, c'était wall instance ça au service pêcherie et ministère de l'agriculture pour tes parties prenantes qui pour t'amener cette activité au menu hélas que ça a pas priorité pour eux. Nous, depuis ces bagages, nous faire show business. Que côté nous avons pu montrer un peu de show business pour faire capital politique, tout est présent, je dis à l'important. Il faut que l'État investisse dans ce qui est important, qui pour lancer la pêche, ça qui pour resservir avec tout le monde, mais pour ne pas investir dans ce qui est pour aider des trois grands monde progresser. Mais ça qui est majorité à progresser. C'est le bagage que nous avons dit, tout le monde est radio Haïti. Nous avons tout le monde venir garder entre à Lully. Venez découvrir lui, venez découvrir des académies. Parce que nous avons initialé ça, en fait, là, c'est visite des académies. Tout le monde qui tente de parler des académies, nous avons mis des chaloupes à disposition de ça là pour amener aux académies, visiter les académies. Pour reconnaître les académies qui sont beautés, touristiques qui viennent dans les académies, et nous capables de faire un touriste local, de faire un touriste interne. Côté tout le monde qui soit à Port-au-Prince, à côté de ce venir pour nous mener dans l'académie, venir à l'académie, découvrir l'académie, puis voir qui aspect touristique qui vient au niveau académie. Radio Haïti, merci. Ok, merci. Sur les pays du sud, on leur dit maintenant lève-toi et marche. Par conséquent, une des premières politiques internationales et de niveau macroéconomique, c'est de lever les obstacles au développement. Mais aussi obstacles internes, souvent d'ailleurs renforcés par l'extérieur. La tenure des terres, le problème de l'opposition aux réformes agraires, pensez à la Colombie, pensez au Brésil, c'est un problème fondamental pour ces pays-là, mais pour bien d'autres pays encore. Les mécanismes d'enrichissement des minorités, l'absence d'une politique fiscale qui permettrait de redistribuer quelque peu la richesse, les privatisations qui sont exigées par les organisations internationales, financières internationales, et qui débouche sur de véritables, sur une véritable piraterie par la vente à bas prix du capital collectif accumulé, et qui en fait, d'un point de vue social, renforce d'une part les structures sociales existantes, pensez à Haïti, qui est-ce qui peut acheter les biens de l'État privatisés, même s'il n'y en a pas beaucoup, le renforcement de l'élite traditionnelle dans une structure sociale déjà extrêmement duale, et d'autre part, le renforcement de la dépendance extérieure par le rachat de pans entiers de l'économie, je pense par exemple à la Corée du Sud, par les capitaux étrangers. Affaiblissement de la sécurité sociale. Il faut diminuer les dépenses de l'État. On affaiblit dans un certain nombre de pays, même là où elle était déjà extrêmement faible, la couverture sociale. La diminution des salaires réels, on a donné un exemple tout à l'heure pour le Haïti, mais je pourrais en donner ainsi pour la Thaïlande, pour le Mexique, pour l'Argentine. Le renforcement des inégalités de genre, du fait même de la féminisation, de la pauvreté, du fait même de l'augmentation de la violence et de la violence intrafamiliale à cause des situations de vulnérabilité économique, etc. Donc avant de parler de politique de développement, avant de parler de programme de lutte contre la pauvreté, parlons de lever les obstacles. Côté, il faut nous utiliser d'autres armes pour combat politique là, mais armes rétrogrades qui c'est isolement pays, qui c'est blocage de financement international, blocage de financement interne, blocage des activités économiques, et mettez caoutchouc, mettez du feu dans toute la rue, et bien méthode ça, il n'y a pas de mise en cause. Et toutes les fois que c'est eux-mêmes qui ont utilisé, et bien moun sa yo a condamné à disparaître. Et c'est dans le cadre ça que dans l'alternative pour changement, n'a prôné Koulala l'opposition constructive en lieu et place de une opposition traditionnelle qui toujours sous Rachid Mayob. Et c'est dans le cadre d'opposition constructive ça que nous-mêmes nous pensons que mes propositions qui capables permettre nous sortir plus bien dans la crise ça nous est. Proposition ça, il tenu compte de plusieurs facteurs. Il tenu compte de intérêt pouvoir en place là, il tenu compte de intérêt opposition. Pouvoir en place là, n'a dit que l'a fait une expérience très amère pour lui, c'est que il gagne toute bagaille dans main et puis rien pas capable marcher en dans pays. Alors nous voulons faire connaître que peuple a lui-même l'attend et l'œil pas joindre rien finalement. Toute bête gênée modée. Et puisque toute bête gênée modée, nous sommes capables de priver nos situations de remettre tout qui menait, perdit tout. Bon côté, parti politique qui est en opposition, nous avons connaît tout que c'est vrai, tu as gagné en pile faute dans l'élection qui passait là. L'élection passée dans de très mauvaises conditions. Que ce soit l'élection 21 mai, que ce soit l'élection 26 novembre. Mais tout, nous avons un peuple à défendre, nous avons un pays à défendre, nous avons un avancement, nous avons un projet pour le pays. Le projet nous pas capable de défendre dans l'isolement du pays d'Haïti, surtout le pays d'Haïti qui coule là, non situation côté capable de bénéficier de un paquet d'aide au niveau international. Nous déjà ouais que dans 126 millions de dollars qui disponibles pour les pays les plus pauvres, Haïti déjà pas joindre 33 millions, ça veut dire le quart. Et prochainement, gagner 8 milliards de dollars qui pourraient être disponibles d'ici 2005 pour faire une mise à niveau, pour relever niveau pays qui pipe au vieux. C'est pour empêcher que dans 4 zéla, ceux qui pipe au vieux, pas déverser la population dans ceux qui pipe riche. Eh bien, si nous sommes capables de travailler pour nous joindre le quart tout de comme ça, eh bien, bon, c'est tout ça, c'est pays qui a bénéficié. Et c'est dans le cadre de ça, nous disons que toute bête gênée modée, il a toujours dit ça en droit, parfois, il y a un mauvais arrangement, il y a un arrangement incomplet, il y a plus de valeur passer un bon procès. Parce que quand on fait un bon procès, on gagne, mais prix ou payer pour gagner un procès, on n'est pas même capable de jouir, fruit ça ou gagner. Et c'est dans le cadre ça que nous-mêmes, nous avons fait proposition de sortie de crise, une proposition équilibrée. En passant tout, on a demandé société civile là pour élargir tête li, pour le plus représentatif, pour pas faire travail en seul secteur en deux pays, mais en tant que société civile, leadership li, force li, résider dans la capacité à travailler avec tout secteur. Si il y a une négociation qui pour faite dans un pays qui concerne des élections pour que 33 partis politiques qui ont participé dans l'élection, eh bien société civile qui joue le rôle de médiateur, qui joue le rôle de facilitateur, il y a pour devoir de réunir tous 33 groupes qui étaient allés participer dans l'élection. Ils n'étaient pas capables. Yon négociation à seulement groupe familial Valas et à 6 autres groupes qui regroupaient 15 partis politiques qui constituaient la convergence. C'est ça mieux. Yo doit travailler avec toute classe politique là. Yo doit travailler tout avec toute couche sociale en dans pays là. C'est pas secteur privé seulement qui constitue la société civile. Côté secteur populaire là, peuple la folle qui a dit voile, la folle qui a bail voile tout, non ça qui a passé dans pays là. Alors c'est ça n'a demandé société civile là pour que non reste travail pour faire yo pour lui prendre des positions beaucoup moins partisane. Et c'est ça qui a balle force, c'est ça qui a fait que ça a fait eh bien, que l'I capable d'implanter en dans société. Pour nous, l'alternative pour changement, solution de crise là capable de consister en 5 grands points. Premier point, nous dit c'est l'annulation totale des élections du 21 mai. Annulation complète depuis sénateurs, députés, magistrats, Kazek, Azek, DV, annulation totale des élections du 21 mai. Entre-temps, puisque le Parlement a fermé, le gouvernement est capable de fonctionner par décret. Décret revêtu de la double signature du président de la République et d'un premier ministre de l'opposition pour faire l'équilibre. Deuxième point, c'est les élections du 26 novembre avec Dil Sahar qui fait côté 21 mai tomber. Eh bien, nous capables de consolider les élections, les présidentielles du 26 novembre, car les sénatoriales du 26 novembre doivent faire même route avec les élections frauduleuses du 21 mai, parce que et élections 26 novembre et élections 21 mai, toutes, il y a une faille, des failles que même le président Jean-Bertrand Aristide a confirmé dans la lettre envoyée par le président Clinton, quand il dit bon, cette fois-ci, ok, il pourra le mettre dans un CEP crédible. Ce qui sous-entend que le CEP était là-haut, tant que CEP Ernst-Mivilla était obligé de reconnaître le CEP, ça n'a pas été crédible. Donc, l'ensemble ça, 21 mai a tombé et 26 novembre, capable de rester avec Jean-Bertrand Aristide comme président constitutionnel pour 5 ans. Et puisque 21 mai tombé, Koulala, il faut que nous remplacions les élus, les 7000 élus du 21 mai. Ça va le faire avec un conseil électoral provisoire, mais indépendant, suivant même formule constitution qui prévoit dans disposition transitoire. Et c'est formule ça qui était utilisée dans l'élection 1987, c'est formule ça qui était utilisée tout dans l'élection 16 décembre 1990. Côté, c'était un monde dénommé par. Nommé par conférence épiscopale, il y a un monde par les cultes réformés, il y a un monde par coopérative, il y a un monde par association journaliste, il y a un monde par conseil d'université, il y a un monde par organisme droit de l'homme qui n'a pas participé dans l'élection, il y a un monde par cour de cassation, il y a un monde par exécutif. Mais étant donné qu'à l'époque, exécutif, qui était le général Nanfi, qui n'a pas de droit participer dans l'élection. Au cas, trois jeunes garçons blessés en babal. Malgré ça, il y a une voix qui parlait comme quoi c'est yo qui t'a tiré sous propre tête pa yo. Il est le temps pour mentir fini, pour vérité blaye tout côté, pour corruption dans cerveau fini. C'est un bureau presse président qui réagit, mais est-ce que une commission enquête qui est arrivée justement au cas pour t'informer de situation? La petite que ministère de l'Intérieur, direction générale ministère de l'Intérieur, gagne bon genre d'informations sous question. Hein? C'est clair que ce n'est pas jeune militant la Lalas qui t'a tiré. Jean-Paul l'a dit, d'ailleurs, il n'y a pas qu'à tirer sur propre tête. Il est clair que information montrée au bail, et d'après information que nous gagnons, c'est que monsieur ça a fait rencontre ça et qui était devant, qui était à l'entrée, en dans Saint-Louis, hein, monsieur Sayo, c'est la chérie ça a été tiré sous monsieur la relation. Est-ce que nous arrivons à joindre des informations qui ça qui était suscité chez Repit en deux groupes rivaux? Bon, jusqu'ici, nous ne pouvons pas dire exactement qui ça. C'est clair que l'Arak a toujours demandé, mon dans la rue, mon a parlé, donc toujours une dispute, toujours une discussion. Mais nous ne pouvons pas penser que ça t'a arrivé pour balle à tirer. Ça va t'arriver non plus que à chaque fois des situations comme ça, c'est obligé ces âmes qui mettaient et c'est comme ça militant la relation y est tombé. Voilà. Des problèmes actuels qui sont majeurs d'ailleurs. Alors à mon sens, et au nom du Canada, nous appuyons cette visite ici. Nous collaborons avec les différentes instances, autant au pouvoir que les partis politiques, que la société civile, que les gens de bonne volonté puissent trouver leur solution. Ce n'est pas aux étrangers, aux Blancs, comme vous dites, ce n'est pas aux étrangers à venir vous dicter une ligne de conduite, mais on espère au moins que vous pourrez être sensibilisés, vous, les Haïtiens et les Haïtiennes, sur la situation précaire d'Haïti actuellement. Le problème, c'est que dans la nuit 27 mai pour arriver 28 mai, et dans l'occasion fête qui t'a faite dans la ville, dans l'occasion fête des maires, la police Belance a arrêté un journaliste radio communautaire Belance qui s'est Franson Raphaël, côté maltraité. Peut-être monsieur était dénoncé un abus que les policiers dans le commissariat Belance ont fait contre tout le monde que la police était arrêté à 1h du matin, dans même la nuit 27 mai. Donc dans le moment ça, Jean-Issa qui était présent dans le moment, a dénoncé l'arrestation, à côté elle te dit, monsieur. On a continué de dénoncer l'arrestation ça parce qu'on pas doit arrêter un petit monde dans le sahib pour battre dans l'état ça, spiater sans slip, sans radio. Le commissaire qui est sorti l'estomacé, par contre tout si c'est trois chefs, les chefs tout, les retournés avec même commando ça, lourdement armé, il a arrêté journaliste ça et il a bâillé monsieur plusieurs coups de botte avec plusieurs calottes. Donc mon cadeau que c'est son situation qui l'a gagné en pile les caisses sauté à 15 ans sur la mi-temps population belle ça. Côté lundi, après arrestation journaliste ça, tu as gagné plusieurs monde qui t'a dénoncé faire encore dans la commune. Non, même jour lundi ça, commissaire a arrêté mon commerçant bien connu Belance qui est le Max, celui qui lui-même t'a déposé en plainte devant JDP dans le tribunal de paix Belance contre arrestation illégale ça. Et mais monsieur la police débarquant dans le tribunal ça, il a arrêté Max lui encore dans le même moment en prison JDP. Donc nous-mêmes dans la radio communautaire Belance, on sentit nous indignés face à la situation ça, ça fait nous mal et nous avons dénoncé la situation ça sur le plan national et international et nous avons demandé solidarité à tous les journalistes dans le pays en façon pour les policiers qui connaissent pas plus bien placé passer la loi. Yo supposé respecter chef hiérarchique, yo supposé respecter la presse, respecter un journaliste qui yo même et pas gain aucun problème avec yo. Dans ce sens, nous dénoncer fait ça et n'a demandé pouvoir central là avec responsable la police, inspection générale pour ta voyo délégation pressé Belance parce que population Belance qu'on y a vécu un régime de terreur parce que nèg yo ça avec zam lourdement armé nan men yo y a circulé dans ville là depuis après incident et il y a chaque monde que yo jwenn y a dit moun a pas parler un mais c'est lâchouyé sous pas parler c'est lâché donc zamion en meilleur donc nous trouver situation ça mandé présence pressé autorité et sécurité publique et puis yo retiré policier yo pas bail juge la sécurité encore. Donc nous pensons que son bail qui est extrêmement grave dans le cadre d'instruction sur un dossier qui est aussi sensible que dossier assassinat Jean-Dominique nous venons devant palais de justice. Porter toute solidarité nous bail juge Claudie Gassan et en même temps voyez un message clair par le ministre de la Justice, là, M. Gary Lissad, pour nous dire si les pas voyer policiers bah, continuer à bah, comme ça doit sécurité à juge Claudie Gassan, est-ce que l'attente que c'est tout paysan qui peut descendre dans Port-au-Prince, est-ce que l'attente que c'est toute population pays d'Haïti qui attend justice pour Jean-Dominique pour descendre dans la rue et vin bail juge Claudie Gassan sécurité. Nous vin demander pour qui ça policiers yo déplacé et yo pas continuer à assurer sécurité juge là. Et nous pensons que c'est un obstacle majeur à poursuite enquête là. Après ça qui ça nous gagne en perspective dans quatre dossiers ça encore. Et coller photo c'est une opération spéciale que nous organisons aujourd'hui hein, et nous te fait déjà Tigouave dans le cadre de mobilisation que nous avons décrite actuellement, la campagne de sensibilisation que nous avons fait contre tout la médaille d'Haïti. Et nous venons coller les photos encore là. Nous avons collé les photos pour nous sensibiliser tout le monde qui a passé là, tout le monde qui a regardé pour nous montrer comment le dossier enquête sur l'assassinat de Dominique l'a bloqué et pour tout le monde capable de contribuer. Aussi bien les gens qui n'ont pas la justice, les gens qui n'ont pas le pouvoir, les gens qui n'ont plus haute instance dans l'État pour être capable de collaborer et permettre que l'enquête soit débloquée et que la vérité soit capable de blâmer sur qui monde qui a assassiné Jean-Dominique, qui monde qui a voyé venir faire crime pour que le procès a commencé. Particulièrement, nous demandons aujourd'hui à même, nous demandons à juge Claudie Gassan et à toute autorité qui vient à revoir avec ça pour être capable de publier ordonnance. Juge d'instruction hein, sous enquête sur assassinat Jean-Dominique avec Jean-Claude Louis Saint. Et victime de petit temps, ça fait combien de meetings? Je dis, ça fait nous 186e sitting nous. Et nous avons avancé vers 200e sitting nous. Et nous toujours mobilisés en même temps que gagné dans l'autre côté du pays. Et plusieurs autres organisations de victimes, tant que Tchot, tant que dans l'autre zone du pays, qui prend contact ensemble avec nous pour agrandir la mobilisation ça, qui a fait actuellement dans plusieurs villes du pays, tant que Port-au-Prince, Okaï, Jacmel, Port-de-Paix, Inche, Mirbalet et Lascaubas. Est-ce qu'on a équipé un dossier fondation actuellement? Nous pensons que le dossier a marché à un rythme qui est extrêmement lent parce que après le procès Rabotoa, nous pensons que nous avons attaqué le dossier incendie et massacre qui était fait dans la Cité Soleil 27 décembre 1993. Et naturellement, avocat nous a travaillé sur le dossier ça, ensemble avec toutes les victimes de Cité Soleil. Mais nous pensons que le dossier a marché beaucoup plus vite que ça. Naturellement, nous avons un état de, c'est un cas de presque de stagnation. Quant à dossier sous crime, assassinat qui était fait et massacre qui était fait sous pendant la période coup d'État, mais nous croyons que la crise là pour beaucoup. Et c'est une raison justement qui fait que la crise a continué comme ça, c'est pour capable bloquer et démarches que nous avons entreprendre pour capable juger tout criminel coup d'État, yo, pour capable faire dossier frappé, retourner dans le pays. Ça c'est une bade l'unique, mais ça c'est une raison qui fait que ouais, Mounio a persisté pour capable et pérenniser la crise là, pour que la crise là capable de durer tout le temps et pour que tout l'autre dossier capable pas déboucher. Et c'est une raison tout qu'il faut ouais, actuellement. Et bon, et convergence là, pas voulu venir dans la réunion qui était supposée faire matin dans Mipana, ils ont proposé une autre date et là, l'autre date l'arrivée, ils ont parlé des bagages qui sont impossibles à réaliser et ainsi pour qu'ils continuent. Crise à pour ne pas jamais résoudre, pour aucun dossier pas débloqué, notamment dossier aide et surtout dossier justice pour les victimes du coup d'État. Et qui est l'autre étape nous pour nous franchir la fondation? Et nous avons l'autre action. Et mercredi, chaque mercredi, nous avons une action pareille et devant une institution différente. Et mercredi prochain, nous avons devant le ministère de la Justice, dans la cour du ministère de la Justice, pour nous parler plus directement avec le ministre de la Justice, Maître Gary Lissat. Et moi, ça va pas juste, ou même dans la fondation, c'est un premier, comment nous qualifier? Mais nous pensons que c'est un facteur qui est capable de bloquer l'enquête là, puisque le juge là n'est pas capable de marcher sans sécurité. Puisque le juge là, non, c'est qui est sensible comme ça, vous comprenez que le juge là n'est pas capable de pas gagner sécurité, alors que les policiers qui tapent la sécurité, ils ont campé, ils ont regagné la base, yo, sans pas expliquer le juge là ni pourquoi, ni comment. Donc nous pensons que c'est un bagage qui est extrêmement grave. Et nous croyons que le ministre de la Justice là, rapidement, très rapidement, doit prendre les dispositions nécessaires pour capable corriger la situation ça et permettre par ainsi à dossier enquête là de poursuivre comme ça doit pour que l'ordonnance là capable de publier et sans délai.